Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Que toute gloire et tout honneur reviennent à Jésus-Christ et à lui seul. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro qui marque le 35e jour de l'année 2020. La proposition du lecteur de la Bible est celle-ci, le numéro 126 des psaumes. Le psaume 126 évoque la délivrance étonnante des Israélites des griffes de Babylone, leur joie à leur retour d'exil et une supplication demandant à l'Éternel d'agir de nouveau en faveur de son peuple. Les détails de ce psaume décrits avec le professeur titulaire des universités Elvis Kofi Gbaglia, qui est aussi pasteur auxiliaire à l'église baptiste œuvre et mission de Cocody Engrais. La présentation de cette émission est assurée par votre serviteur Alex Adombi Pacom. La mise en onde est l'affaire d'Emmanuel Yao. Son assistant s'appelle Edouard Yao. Nous allons permettre au professeur Elvis Kofi de prier pour nous, prier pour ce moment de méditation. Père éternel, tu nous as appris depuis hier et tu nous as rappelé que tu es le Dieu unique. Qu'en dehors de toi, nous ne devions même plus avoir des considérations pour quelques autres dieux que ce soit. Père, ce matin, nous confirmons ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Nous n'avons que toi. Éternel, il n'y a que toi. Et c'est pourquoi nous ne voulons fixer nos regards que sur toi et ne vivre que par toi, pour toi, afin que tu nous bénisses et que nous soyons victorieux tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année 2020, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons ensemble le texte du jour, le psaume numéro 126. Il est constitué seulement de 6 versets. Nous lisons donc dans la Bible, version Ostéval, verset 1. Cantique de Mahalot. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche fut pleine de cris de joie et notre langue de chants de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses à ceux-ci. Verset 3. L'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous en avons été joyeux. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux au pays du Midi. Versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant de triomphe. Celui qui porte la semence pour la répandre marche en pleurant, mais il reviendra en chantant de joie quand il portera ses gerbes. Amen. Amen. Merci de célébrer le Seigneur avec nous, merci de prier avec nous, merci de méditer chaque jour la Bible au moyen du lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible 2020 nous propose pour ce mardi 4 février 2020 le psaume numéro 126. Hier déjà avec le professeur Elvis Kofi Gbaglia, nous avions lu Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 25. Nous allons revenir sur ce texte. Bonjour professeur. Bonjour frère Alex. Alors qu'est-ce qu'on a retenu de ce, on peut dire, long discours de Moïse? Oui, alors le texte d'hier, extrait du deuxième grand discours de Moïse au peuple d'Israël, nous a parlé d'un Dieu unique que nous devrions aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ce Dieu qui est l'Éternel a donné des commandements dont l'observance par les hommes devrait leur procurer le bonheur. Le texte a aussi parlé des obstacles qui pourraient entraver l'amour que le peuple avait pour Dieu, à savoir l'oubli, le manque de confiance et de soumission à Dieu, la corruption des bonnes mœurs avec le contact avec les considérations païennes ou mondaines. C'est pourquoi le texte d'hier nous a recommandé d'inculquer les ordonnances de Dieu à nos enfants et à nos petits-enfants, bref, à toute notre famille. D'accord, je vous remercie pour ce bref rappel du texte d'hier. Alors, le texte que nous lisons aujourd'hui est une transition, nous sommes dans les psaumes, nous lisons le psaume numéro 126. Alors, les psaumes, très souvent, ont été écrits dans des circonstances réelles. Oui. Alors, est-ce que nous avons les circonstances de l'écriture du psaume 126? Alors, le psaume 126 fait partie d'un ensemble de psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés. Des degrés, oui. Alors, ce psaume 126 a été écrit lors du retour des Israélites de leur captivité. Mmh. Alors, s'agit-il de celle d'Égypte? S'agit-il de celle de Babylone? Le texte ne nous précise rien. Mais ce qui est sûr, c'est le retour sur la terre de leurs ancêtres, des Israélites, alors qu'ils n'y croyaient même plus. C'est de ça qu'il s'agit dans ce texte. D'accord. Nous avons déjà abordé l'idée générale avec le contexte à Muritain. Nous allons, après l'observation, interpréter ce texte et l'appliquer vers la fin de l'émission. Oui. Nous allons continuer avec l'observation. Alors, le psaume 126 est constitué de 6 versets seulement. Seulement, oui. Alors, de quoi parle ce texte? Alors, ce texte évoque l'œuvre étonnante et incroyable accomplie par Dieu par le passé en faveur de son peuple. D'où le titre du psaume qui est « Cantique pour le retour vers la demeure de Dieu ». D'accord. Les Israélites chantent le psaume 126. Pendant qu'ils montent à Jérusalem, ils commémorent ainsi une restauration. Laquelle? Est-ce que c'est leur sortie d'Égypte? Est-ce que c'est lorsqu'ils ont été libérés des Philistins? Est-ce qu'ils ont chanté cela lorsque Sennacherib est décédé? Est-ce que c'est lorsqu'ils revenaient de leur exil de Babylone? Nous ne savons pas. Mais ce n'est même pas nécessaire de le savoir, frère Alex. L'important, c'est de voir la réaction. Mm-hmm. Quelle est donc cette réaction des Israélites? C'est la joie. Et le texte nous dit, « Alors, notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. » Au verset 2, « La joie d'être délivré des Égyptiens. » La joie d'être épargné par les Assyriens. La joie d'être ramené d'exil. L'événement est tellement surprenant, tellement inattendu, qu'il déclenche un rire presque incontrôlable. Vous savez, quand la joie est grande, on fait des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes. La bouche est remplie de rires joyeux. La langue pousse des cris de joie. Les choses allaient vraiment mal auparavant, mais Dieu a fait pour eux une œuvre très grande. Il a renversé la situation. On s'émerveille de ce que Dieu a fait. Cela provoque l'étonnement et la joie. Les Israélites expriment leur émotion avec passion. Et la passion est de louer l'Éternel. Nous étions dans la misère et nous sommes libres. Quel soulagement! Quel soulagement! Et quelle joie! Frères et sœurs, frères et sœurs, voilà ce que nous dit ce texte. D'accord, on va observer donc ce texte de plus près avec les détails. Oui. Vous avez proposé deux sous-parties, les versets 1 à 3. Oui. Première sous-partie intitulée « La joie de la restauration passée ». On va expliquer cela tout à l'heure. Et puis deuxième sous-partie, les versets 4 à 6, « L'espérance de la restauration à venir ». Commençons par la première partie, les trois premiers versets, « La joie de la restauration passée ». Oui, l'auteur parle ici, dans ce premier mouvement, comme quelqu'un qui a conservé le vivant souvenir de ses émotions d'autrefois. C'est-à-dire l'expression « ramener les captifs » en hébreu, par exemple, a un sens très large. De façon littérale, ça veut dire exactement « l'Éternel retourna le retour ». Bon, maintenant, quand on veut écrire normalement, c'est-à-dire « Dieu a fait un retournement ». Il a produit un renversement de la situation. Le livre de Job contient la même expression, soit dit en passant. Job a tout perdu, il a perdu ses 10 enfants, il a perdu son bétail, sa maison, tout est écroulé lui-même, vraiment. Et dans Job 42, verset 10, on dit « L'Éternel rétablit la situation de Job ». Job avait perdu ses richesses, ses enfants, sa santé. Mais Dieu a renversé la situation. L'expression donc doit être prise ici dans son sens large. Quand on dit « Dieu a ramené les captifs », là, c'est dans son sens large. C'est une restauration. C'est une restauration. C'est un rétablissement, c'est un renouveau. Or, toute l'histoire d'Israël est remplie de renouveau et de renversement des situations. C'est pourquoi je suis heureux qu'en ce début de cette année 2020, on médite pareil texte. Car c'est merveilleux que Dieu nous restaure, que Dieu nous rétablisse dans les promesses qu'il a prévues pour nous. Que Dieu fasse qu'il y ait un renouveau spirituel dans nos vies. Regarde par exemple, frère Alex, la sortie d'Égypte. Voilà Israël qui était esclave en Égypte pendant longtemps. Mais Dieu a fait sortir ces Israélites de cette misère profonde pour les conduire dans à Canaan, qui est la terre promise. Cela a été une grande restauration pour le peuple d'Israël. Plusieurs spécialistes en herméneutique, c'est-à-dire des spécialistes de l'interprétation des textes bibliques, pensent que le psaume 126 célèbre non pas le retour d'exil de Babylone, mais plutôt la sortie d'Égypte 1000 ans auparavant. Quand l'Éternel délivra son peuple par son bras puissant, on connaît les plaies, les différentes plaies d'Égypte. Oui. Quand il fit périr les Égyptiens dans la mer, c'était comme un rêve. C'était incroyable, c'était inimaginable. Regardez, du jour au lendemain, le peuple qui était esclave a été libéré. Ben, ça dit, c'était tellement incroyable, c'est ce que le professeur Zadi Zarou appelait un didiga. Il fallait donc se pincer pour vérifier que ce n'était pas un rêve. La joie d'être délivré des Égyptiens, la joie d'être épargné par les Assyriens, la joie d'être ramené d'exil. L'événement était tellement surprenant, tellement inattendu, qu'il déclenche un rire incontrôlable. Incontrôlable. Les choses allaient vraiment mal. Mais on s'émerveille de ce que Dieu a fait. Cela provoque l'étonnement, la joie. Et ce qui fait que même les païens qui n'étaient pas concernés ont vu cela. Et les païens le voyaient, ils disaient, ah. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et les Israélites en sont conscients. Et ils ont renchéri. Ils ont dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et il y a même un cœur qui dit, l'Éternel fait pour moi des merveilles. Gloire à son nom. Oui, l'Éternel fait pour nous des merveilles. Que cette année soit une année de merveilles pour chacun et pour chacune au nom de Jésus. Amen. Deuxième partie, l'espérance de la restauration à venir. Nous sommes dans un sens prophétique, hein, oui. Ce sont les versets 4 à 6. Oui. Oui, alors ici, on vient de parler de la restauration passée, qu'ils sont en train de célébrer. C'était tellement étonnant. Oui. Maintenant, on nous dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, le psalmiste se souvient que Dieu a déjà restauré son peuple. C'est pourquoi il prie et demande au Seigneur, Abba Père, fais-le encore. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le désert de Negev. C'est au verset 5. Ramène nos captifs, c'est-à-dire restaure-nous. Nous retrouvons la même expression qu'au verset 1. Retourne un retour. Renverse la situation encore une fois, Seigneur. Oui, ça c'était pour les Israélites dans le temps. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi, le chrétien d'aujourd'hui, la mémoire du passé, ce ne doit pas être la nostalgie. Se rappeler de ce qui est passé doit nous donner une raison de prier et d'espérer que Dieu agira encore. Seigneur, tu l'as déjà fait, fais-le encore. Seigneur, viens changer notre sort, viens changer le cours de notre destinée. C'est pourquoi souvent, il y a des chansons qu'on chante sans tapage qui sont très profondes. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oui, Seigneur, tu l'as fait, tu vas le faire encore. Agis dans nos vies, que cette année, nous soyons la tête et non la queue pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Nous lisons le psaume 126, amis auditeurs. Nous sommes le mardi 4 février 2020. Cette lecture est faite dans le cadre de Méditons ensemble. Nous allons, après l'observation abordée maintenant, l'interprétation va s'intéresser à ce que ce texte nous enseigne sur la nature de Dieu. Oui, oui, oui. Alors ce texte nous apprend que l'Éternel Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Il a complètement renversé la situation. Il nous a délivrés de nos péchés par Jésus-Christ. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a fait connaître sa parole, ses pensées, ses ordonnances, ses lois. Il a régénéré nos cœurs. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a restaurés dans sa grâce. Chaque fois que nous nous éloignons de lui, et ça, c'est récurrent dans la vie de chaque chrétien. Souvent, on ne fait pas exprès, mais on pêche. Souvent, ce que nous ne voulons pas faire, ben, nous le faisons. Mais en le faisant, nous nous éloignons de lui. Mais l'Éternel, dans son amour profond, dans sa miséricorde qui dure à toujours, il nous ramène toujours à lui. Il nous fait du bien tellement de fois que cela devrait, en principe, mon frère, ma sœur, provoquer en nous l'étonnement et la joie. Il y a des fois même Dieu nous bénit. Toi-même, tu sais que tu ne mérites pas cette bénédiction. C'est étonnant. Non, ça ne doit pas t'étonner, mon frère. Ça ne doit pas t'étonner, ma sœur. Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Et c'est ce que ce texte nous apprend ce matin. D'accord. On va s'intéresser maintenant aux vérités qu'on pourrait partager avec les auditeurs. Oui, alors nous avons vu deux vérités. La première vérité que nous voulons partager dans cette méditation est celle-ci. Lorsque Dieu fait du bien à son peuple, lorsque Dieu fait du bien à un de ses enfants, lorsque Dieu fait du bien à un chrétien, il s'arrange toujours pour que les nations païennes le sachent. C'est-à-dire quand Dieu te bénit, là, il fait en sorte que ceux qui sont autour de toi, qui ne croient pas encore en lui, soient au courant de cette bénédiction afin de les transformer, afin de les gagner à lui. La bénédiction que Dieu te donne est un témoignage de sa puissance. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que ce n'est que par la souffrance qu'arrive la joie parfaite. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas souffrir. Vous voyez, pour évangéliser souvent, une des techniques d'évangélisation que nous décrions, mais que les frères ouvriers à l'évangélisation utilisent, c'est que, ma soeur, mon frère, viens à Jésus. Si tu n'as pas de mari, il va te donner mari. Si tu n'as pas de femme, il va te donner... Mais viens à Jésus et tu auras ce que tu veux. Mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Ah non, c'est pas comme ça. Il n'y a rien de plus difficile que la vie chrétienne. Mais regardez, on vient de vivre il y a quelques jours la fête du Nouvel An. Et avant ça, on a célébré la fête de Noël. Mais il fallait voir dans la ville comment les gens étaient parés, comment les femmes ont porté des bijoux. Mais regardez à chaque célébration de mariage, regardez des gens qui portent des bagues en or, qui rivalisent de carats, 18 carats, 24 carats, 32 carats. Mais s'ils savaient comment cet or-là, qu'ils sont en train de porter à leur bague, a été recherché dans les profondeurs de la terre. Épuré. Épuré par le feu. Pour qu'on lui donne la forme qui est la bague qui est à ton doigt, ou la boucle d'oreille qui est à tes oreilles, ou la feuille d'or que tu as mis sur ta canine dans ta bouche. Il y a des gens qui mettent de l'or dans leur bouche. Ah non, non, c'est à travers la souffrance que la joie est parfaite. Quand un élève s'assoit, il ne dort pas, il étudie. Au lycée classique d'Abidjan, on appelle ça faire décapi. C'est ne pas dormir. C'est pourquoi l'emblème, c'est le crocodile. Il ne dort que d'un seul œil. Il y a une partie de son cerveau qui dort, une autre partie est éveillée. Et l'œil qui est ouvert, il prend pour regarder sur son cahier. Mais c'est de la souffrance. On a dit, eh bien, ce sont les violents qui doivent s'emparer du royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il faille gifler tout le monde dans la ville. Mmh. Mais non, tu fais violence sur toi. Tu te prives des choses. C'est alors que ta joie sera parfaite. Voici les vérités qui transparaissent de ce texte de ce matin. Nous allons conclure cette émission, chers amis auditeurs, avec le professeur Elvis Kofi Bakliya. Le texte que nous lisons, c'est le psaume numéro 126. L'étape que nous abordons maintenant, c'est l'application. Nous laissons des enseignements et nous prions. On va commencer par les leçons à retenir, professeur. Oui, pour cette journée, nous pouvons retenir ici toute la fraîcheur de l'expression de la joie d'Israël à son retour de captivité. En ce matin, le peuple de Dieu, à l'écoute de cette méditation, est venu célébrer en union d'esprit les grandes choses que l'Éternel a faites pour nous. Sommes-nous dans la joie quand l'Éternel a renversé la situation de son peuple? Quand Dieu a envoyé son propre fils, il s'est fait chair et il est venu en ce monde. Est-ce que tu étais dans la joie? Quand Jésus est mort volontairement à la croix, il a versé son sang pour payer le prix de tes péchés. Est-ce que tu étais dans la joie? Quand tu étais esclave du péché, est-ce que tu étais dans la joie? Mais quand Dieu t'a délivré de tes péchés, quand tu étais prisonnier de la condamnation, j'ai ma servante qui a dit, ah, sa mère est venue dire, monsieur, ne permets pas que ma fille aille à Beauville. Parce qu'on dit qu'il y a eu une veille là-bas, ils ont attaché ma fille. On va la tuer à l'orée de 2019. Donc il y a des gens qui étaient condamnés, mais ils ont vu 2020, ils ne sont pas morts. Parce que Dieu nous a acquittés. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Face à tous ces miracles, face à toutes ces merveilles, face à toutes ces délivrances, c'est comme dans un rêve. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Il fallait donc que nous nous pincions pour être sûrs et certains que c'était bien réel. Oui, mon frère, c'est réel. Oui, ma soeur, c'est réel. Tu es béni. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants et nous devons glorifier l'Éternel Dieu pour tout le bien qu'il nous fait chaque jour. C'est pourquoi nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Tu nous as placés dans ton église. Tu nous as donné des anciens, des diacres, des frères et sœurs, des pasteurs talentueux. Je te dis merci pour cela. Mon frère te dit merci. Ma sœur te dit merci ce matin. Chaque jour, papa, tu nous donnes le privilège d'entendre ta parole tous les matins au cours de cette méditation. Chaque semaine, nous te disons merci pour les enseignements que tu nous donnes à travers les ondes de ta chère radio fréquence vie. Merci pour toutes les personnes qui ont un amour pour toi. Merci pour ton église à travers les différentes dénominations dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir donné ce pays, la Côte d'Ivoire, que je te prie de bénir ce matin. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Maintenant, Père, nous te prions, continue, Seigneur, fais-le encore, restaure-nous encore, produis un renouveau dans nos cœurs et dans tes différentes églises, dans tes différentes dénominations. Ramène ceux qui sont en train de s'éloigner de toi ou qui se sont séparés de toi, ramène-les auprès de toi. Seigneur, le mariage est une institution sacrée qu'a instituée. Fortifie nos mariages, fortifie nos familles. Donne à nos jeunes une plus grande maturité afin que ce phénomène des enfants en conflit avec la loi, les microbes, que les politiciens tentent de juguler, la solution ne vient que de toi et ne viendra que de toi. Je te confie ce phénomène en ce matin, en cette nouvelle année 2020, afin que tu donnes la sagesse aux autorités de pouvoir régler ce problème définitivement pour la sécurité de tes enfants, afin qu'ils puissent aller au culte tôt le matin, te glorifier, te célébrer avant de se rendre au travail. Ajoute de nouveaux chrétiens, de nouvelles âmes à ton peuple, afin qu'ensemble, nous élevions la voix pour dire gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Merci Père de bénir chacun. Merci de bénir chacune. Merci pour cette émission qui nous fait tant de bien. Allons pour la victoire en cette année 2020. Amen. Amen. Des pleurs à la joie, c'est le titre de la note explicative au psaume 126 que vous pourrez lire à la page 21 et 22 dans le lecteur de la Bible. Un grand merci au professeur Elvis Kofi Gbaklia avec qui nous serons demain. Nous allons nous intéresser au livre de Jean. Nous lirons le chapitre 7, les versets 1 à 13. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Il est assisté de Doua Yao. Je suis Adombi Alex Pacom. Un grand merci au professeur Elvis Kofi Gbaklia pour sa disponibilité. On se retrouve demain. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Bonjour.